24 10, observation, remerciement. Quel délicieux repas! Quelle charmante soirée! Je ne sais comment vous remercier. Tout était vraiment exquis. Merci encore. Ça, c'est ce qu'on peut dire quand on s'en va après un bon repas.